Check it. Je voudrais vivre sur un nuage dans un monde idéal où toutes mes pensées planent. Je fais ma pédo, je canne, mais je rame. C'est le drame, puis j'ai cramé mes neurones avec des grammes. Et combien de fois la dame m'a dit que c'était mal, mais je suis hal. Tant qu'à faire génal, j'écoute mon instinct animal. Tu connais ces CKOR au max. Si c'est pas ta passion, faut te faut de la patience pour le pur à parole. Les paroles qui parcourent pas et qui font pas l'air les beaux. Parle-moi pour l'instant, ça stagne. J'en suis pas à stade. Je fais pas partie de la bataille, mais à Paris, ça stable. Déconne, j'en ai connu, toi même l'époque, tu la connais. La colère domine la colline, y'a plus de couleur dans la contrée. La rue, c'est code, c'est cri, et bienvenue dans l'école du crime. T'as vu, c'est corps écrit, c'est d'un sac que j'décolle mes rimes. T'as la pute boule bouillant sur la bête de pute bouillard. T'es mal à brume, brouillant la zone, rien que ça pétard. Cette monde parallèle, tu me demandes, tu où, j'sais pas. Poteau, entre Dieu, Jean, démon, j'suis là. J'sais là, j'sais là, la vie, jamais j'ai mon chemin. Je marche, j'sais qu'à parce que la nuit cache le chétin. Dans les poules, pas de billets pour l'autre, pas ça, c'était bail. Les thunes, c'est pas l'important, ferait-on la guerre sans maille. Dans un monde où certains pensent que la vie est belle, pendant que d'autres poteaux sont sautés la tête. Où l'espérance de vie n'est pas partout la même. Où l'amour se mélange si vite avec la haine. J'me dis qu'il faut pas que j'me calme. Je désaccélère, je prends le temps de vivre et je me dis qu'il faut pas que je m'énerve. J'ai la tête en l'air, normal je regarde le ciel. Mais je préfère ça plutôt que d'avoir la tête à terre. Le gun collé à la tempe et que ça pète sa mère. Parfois, on s'imagine dans la peau d'un autre. On aimerait bien vivre ce que les autres vivent, bah vas-y saute. Dans tes rêves et tes illusions qui te portent, ta pensée faux. Toutes sortes de causes à effet nous collent à la peau. Ouais, te voilà perdu quand d'un coup le chemin ne s'éclaire plus. Et ça perdure, ce n'est que la prélude où s'éterre. Tu m'aimes, l'amour inconditionnel finit par n'être plus. Une futilité aux yeux de certains, oui, te perds-tu. Quand t'as débarqué, tu m'as dit, toi t'es barré. Viens, on fume des barrettes et on se tape des bars. Moi j'étais au pénique, la météo bébé. Dans 15 minutes chez moi, il ramène des océans. CB, tu décides enfin à enlever le débardeur. Après des barres de rire, t'es par terre. Alors on fait l'amour sur le tapis. Tapis, je te dis t'es tellement bonne. Tu devrais tapiner. Ta conson l'a calciné. Mais je paierai pas le ciné. Quand je parle t'es fasciné. Je sors des phases inné. Je t'oublie aussi vite que je suis tombé amoureux. Alors je te consacre autant de temps que j'en consacre à mon repas. À non repas. Et oublie-moi au pire au bout de 6 mois. Mais ne m'en veux pas. Un non repart et oublie-moi au pire au bout de 6 mois, mais ne m'en veux pas. Parfois, on s'imagine dans la peau d'un autre. On aimerait bien vivre ce que les autres vivent, bah vas-y saute. Dans tes rêves et tes illusions qui te portent, ta pensée faux. Toutes sortes de causes à effet nous collent à la peau. Ouais, te voilà perdu quand d'un coup le chemin ne s'éclaire plus. Et ça perdure, ce n'est que la prélude où s'éterre. Tu m'aimes, l'amour inconditionnel finit par n'être plus. Une futilité aux yeux de certains, oui, te perds-tu. Parfois, on s'imagine dans la peau d'un autre. On aimerait bien vivre ce que les autres vivent, bah vas-y saute. Dans tes rêves et tes illusions qui te portent, ta pensée faux. Toutes sortes de causes à effet nous collent à la peau. Ouais, te voilà perdu quand d'un coup le chemin ne s'éclaire plus. Et ça perdure, ce n'est que la prélude où s'éterre. Tu m'aimes, l'amour inconditionnel finit par n'être plus. Une futilité aux yeux de certains, oui, t'es perdu.